une histoire particulière. Hier, Lenora Krief et François Test nous ont fait traverser la mer à 11 km au nord-est de Jersey et à un peu moins de 15 km des côtes françaises du Cotentin, en direction de l'archipel des Écréous. Connaissiez-vous les Écréous ? Moi, pas du tout. Sur la carte, il apparaît comme un point au milieu des eaux. Formé de trois îles, quelques rochers, cet archipel est connu pour sa faune. On y trouve des phoques gris en importante quantité, ainsi que des veaux marins. Plus au large, on peut croiser des grands dauphins et marsouins. En fait, un endroit plutôt désert, où il ne se passe pas grand-chose. Eh bien si, le temps d'un récit, celui qui se rapproche un peu du conte, Lenora Krief et François Test reprennent l'histoire de l'archipel où nous l'avons laissé hier et nous replongeons ensemble dans l'histoire de l'ermite des Écréous. Jean-Marc, tu me dis... Pardon ? Bah, hey, on est dessus, je pense. L'ermite des Écréous, par Lenora Krief et François Test. Aujourd'hui, l'île du Seigneur. Lorsqu'il vivait à Jersey, Alphonse intriguait déjà les habitants de l'île. Taciturne, il avait peu d'amis. Il y a 10 ans, à la suite d'une série d'attentats aux mœurs perpétrés par un mystérieux rôdeur nocturne, Alphonse fut soupçonné, arrêté, écroué, puis relâché faute de preuves. Furieux contre ses concitoyens, il s'embarqua sur sa chaloupe et parcourut à la rame les 10 000 marins séparant Jersey des Écréous, îlot britannique piqué de maisonnettes minuscules qui servaient jadis de refuge aux pêcheurs. On sait depuis à Jersey qu'Alphonse était innocent, mais l'ermite ne veut plus retourner sur la grande île. Son univers est ici désormais sur quelques arpents de roches dures cernés par la mer. Le nom Écréou provient du langage norrois apporté par les Vikings. Sker, devenu Ekr avec le temps, signifie brisant. Le Ou est un toponyme qui signifie île ou îlot et que l'on retrouve dans de nombreuses îles anglo-normandes comme Burou, Brécou, Djetou ou encore Liou. Parce qu'ils sont difficiles d'accès, les Écréous conservent aujourd'hui encore un caractère mystérieux. À marée haute, seuls 3 îlots émergent des flots. Tandis qu'à marée basse, le plateau s'étend sur plus de 3000 mètres, découvrant une vaste étendue de cailloux. Lieu hors du temps et coupé de tout, ce plateau rocheux a été le théâtre de vies de solitude. D'abord celle de Philippe Pinel, un contrebandier venu s'y installer en 1848 et qui régna en solitaire sur son royaume pendant près de 40 ans. Puis ensuite, celle d'Alphonse le Gastellois. Injustement suspecté d'être l'auteur de viols perpétrés à Jersey dans les années 1960 par celui que la presse appelait la bête de Jersey, Alphonse fut mis au pilori par la vindicte populaire. Ce paysan solitaire a alors trouvé refuge sur cet archipel désolé. Alphonse le Gastellois devient l'ermite des Écréous. Point de vue magnifique sur les Écréous. Et alors là, on est à marée basse. Hein. Là, nous sommes à marée basse, oui, absolument. Et on a un point de vue sur l'ensemble des îles. Je pense qu'on voit, les 5 îlots qui sont habités des Écréous. Donc, nous sommes sur ce qu'on appelle la plateforme, là où il y a un mât de pavillon, qui sert d'ailleurs d'amer. On a un amer derrière nous. Un amer, c'est une balise que l'on aligne avec le mât de pavillon pour pouvoir rentrer et ne pas toucher les cailloux. Donc, on voit devant nous la maître-île ou la maîtresse-île, comme on voudra. On est sur Marmottier, la petite île la plus densément occupée par des maisons. Et puis, nous avons derrière nous Blanquille, et la petite Breque et la grande Breque, chacune occupée par une maison. Alors, il faut quand même préciser que ces deux îles, en l'occurrence, c'est vraiment des maisons qui sont surélevées sur des rochers. C'est enfin une île, mais ça a la taille de la maison, l'île. À peu près, oui. L'île a la taille de la maison. Blanquille, il y a un petit peu d'espace à côté, mais la petite Breque et la grande Breque, vraiment, ce sont des cailloux sur lesquels qui sont intégralement occupés par la maison. Sachant qu'à l'heure à laquelle nous parlons, tout est découvert. On peut aller à pied d'une île à l'autre, sauf sur Maître-Île. Parce qu'on est à marée basse. On peut aller de Marmottier à Blanquille à pied pratiquement tout le temps, sauf dans les très grandes marées où le banc de galets qui relie les deux îlots est couvert et balayé par le courant. Il y a un côté un peu surréaliste de voir ces maisons surélevées, parce que donc à marée haute, la mer vraiment arrase en fait les maisons. Absolument, elle lèche le pied des maisons. Et là, donc derrière nous, il y a plusieurs maisonnettes donc de jardiniers, oui, qui viennent plutôt donc l'été, si j'ai bien compris. Qui viennent l'été ou à la belle saison. Mais sans eau et ni électricité. Il n'y a pas d'eau, on récupère l'eau dans des citernes. Il n'y a pas d'électricité, sauf si on a son groupe électrogène. C'est effectivement très rustique. C'est le charme de l'endroit et c'est le plaisir qu'ont les gens à venir ici. Alphonse, depuis combien de temps êtes-vous ici ? 2 ans. C'est la vie que vous avez toujours souhaité ? Pas vraiment. Vous vous ennuyez pas tout seul ? Non, je m'ennuie pas tout seul. Il y a toujours quelque chose à faire. Puis quand il y a du monde ici, c'est une occupation sérieuse à faire la garde. Et vous aimez bien qu'on vous rende visite quand même? Ah oui. Hein? Oui. Vous aimez bien parler avec les gens? C'est mieux que les poissons. Et les oiseaux? Bruno, alors juste à côté de nous, il y a le banc d'Alphonse. Donc c'est ici que vous passiez un moment parfois avec lui, posé. Ah oui, ça m'est arrivé. Alors sur ce banc-là, c'était le banc des jours de soleil. Et puis il y a un comme autre aujourd'hui. Banc, comme aujourd'hui. Et puis il y a un autre banc qui est juste à l'angle ici, où on se met le dos à la maison, qui est un banc en béton, qui est chaud, et qui est en plein sud, et où on se mettait les jours de vent. Alors oui, on a passé des heures à côté d'Alphonse, je ne dirais pas à parler avec Alphonse, parce qu'il ne parlait pas forcément. On était à côté de lui, on échangeait quelques mots quand on arrivait, et puis quelques mots au hasard du temps qu'on passait auprès de lui. Humainement, c'était pas quelqu'un de chaleureux ou de liant particulièrement. Il était dans son état d'ermite, où il parlait peu, et on sentait, on devinait qu'il avait une affection ou une amitié pour certains d'entre nous, mais c'était pas les grandes effusions, hein, jamais. C'est quand même difficile d'imaginer qu'un homme ait pu vivre ici, seul, pendant 14 ans. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire sur ces îlots, tout seul ? Eh bien, à vrai dire, on n'en sait pas grand-chose, parce que nous n'étions pas là quand il était tout seul. Donc, ce qu'il faisait quand il était tout seul, nous ne l'avons jamais vu, et il n'en parlait pas. On peut simplement imaginer qu'il, le connaissant, qu'il passait beaucoup de temps dans sa maison, en fait, à l'intérieur, relativement peu à l'extérieur. Il lisait aussi la presse quand on lui amenait des paquets de journaux, et notamment les Jerseyais, quand il lui amenait le Jersey Evening Post, qui est le journal local, et il passait beaucoup de temps à lire la presse. Mais que faisait Alphonse ? Ça reste un mystère. Et après, Bruno, il y a des questions aussi tout à fait pratiques, à savoir... Comment est-ce qu'il se lavait ? Avec quoi ? Voilà, la réponse est assez simple. Hein. Je pense qu'en 14 ans de présence ici, Alphonse ne s'est jamais lavé, tout simplement. Donc, moi, je n'ai jamais eu à souffrir de son fumet, mais je sais que ma mère, qui est venue à plusieurs reprises ici, n'aimait pas rester à côté d'Alphonse, parce qu'il l'avait quand même, il sentait fort, dirons-nous. D'autant qu'il était toujours vêtu soit de son vieux ciré, soit d'un vieux manteau en laine, tenu par une ficelle autour de sa taille, et qu'il portait éternellement des bottes en caoutchouc noir. Donc j'imagine que ça pouvait sentir relativement fort. Il n'y avait pas une parole toutes les secondes, hein. Ou toutes les minutes même. Alain Blancheton. Et souvent, il monologuait, il bougonnait tout seul. C'était des mots auxquels je ne répondais pas, parce que si je répondais, il n'y avait plus de mots qui venaient. Donc je me disais, je vais attendre la suite dans une minute. Il y avait la suite qui venait une minute après. Il ne s'ennuyait pas tout seul, Alphonse, pas de notion sur ces îles ? Non, non, non. Il n'y a pas de notion d'ennui. Ça n'existe pas. Chez Alphonse, il n'y a pas de notion d'ennui. Ça n'existe pas chez les gens rustiques, des petites fermes avec deux vaches. Ça n'existe pas. C'est pas une notion d'ennui. Il n'avait pas du tout besoin de télévision, etc. Jamais, s'il avait une télévision, il n'aurait jamais ni de radio, ni rien. Mais qu'est-ce qu'il faisait la journée ? Ah ben, il se sentait libre, c'était déjà toute une affaire. Il se sentait un peu responsable des lieux, un peu, entre guillemets, maître des lieux, parce que responsable d'un volet, d'un machin, d'une ardoise qui s'envole, des gens qui sont gentils parce qu'il peut ouvrir, il peut aller dans 20 maisons et pas dans les 20 autres. Bon, quelqu'un qui va venir, mais qui est un touriste, qui s'est mal amarré, bon, il va retirer ça, il règle ça. Voilà, il avait ce sentiment. Oui, mais dans le sens responsable. Surveiller dans le sens. Voilà. Protéger les écréaux, mais les gens aussi. Parce qu'il n'avait pas de méchanceté, cet homme-là. Des rustiques, très rustiques. Alors, il vivait avec les saisons, évidemment. Vous imaginez l'hiver, quand le jour se lève entre 9 et 10, et puis que la nuit arrive entre 4 et 4h30. Ben, moi qui ai passé 8 jours là-bas en hiver, au mois de janvier, ben, si vous multipliez ça par 14 ans, ben, c'est beaucoup. Hein. Ça faut du tempérament pour vivre totalement équilibré. Il occupait plusieurs maisons, à peu près il avait la clé d'à peu près la moitié des maisons ici, les jerseyers les lui laissaient, mais il occupait essentiellement une petite maison qui est sur la place Royale, qui est à gauche de la place. On peut aller la voir ? On peut aller la voir. Les distances sont modestes. Nous sommes sur la place Royale. Royale, on peut dire que là, je sais pas, ça fait 15 mètres carrés, même pas. À peu près, et encore, c'est encombré d'un côté par quelques marches d'escalier, un rocher qui est saillant et une citerne à eau. Et on a de part et d'autre de la dite place Royale un blason des États de Jersey marqué impôt, et de l'autre côté un linteau de porte marqué Saint-Martin, Saint-Martin étant la paroisse dont dépendent les écréous, Saint-Martin, Jersey, 1882. Et puis nous avons à notre droite la petite maison qui était celle qu'occupait la plupart du temps Alphonse. Et comment se fait-il que la porte soit ouverte ? J'imagine que les gens sont là. Ah, d'accord. Je suppose. Donc les jerseyers qui occupent cette maison aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Ça a l'air d'être une toute petite maison, non ? C'est... Oui, c'est une pièce. C'est une pièce unique. Et il a vécu ici toutes ces années ? Oui. Et il allait volontiers dans une autre maison qui est de l'autre côté de l'île, en diagonale ici, qui donne sur le chenal et dans laquelle il avait une longue vue, ce qui lui permettait d'observer les allées et venues des bateaux. Une fois blanchi et lavé de tout soupçon, après l'arrestation d'Édouard Pénel, Alphonse Le Castellois a voulu prendre sa revanche. Il a échafaudé un plan grâce à une disposition oubliée du grand coutumier de Normandie, toujours en vigueur depuis le Moyen-Âge à Jersey, et qui serait que quiconque resterait 10 ans et un jour sur un territoire pourrait revendiquer la seigneurie. Alors sur un territoire 100 mètres, c'est-à-dire un territoire totalement inhabité. Et donc Alphonse, est-ce qu'il a découvert par lui-même cette disposition du grand coutumier de Normandie ? Est-ce que quelqu'un lui a glissé à l'oreille, constatant qu'il était sur les écréous et qu'il y demeurait seul depuis de nombreuses années ? Toujours est-il qu'effectivement, il s'est appuyé sur cette disposition oubliée du grand coutumier de Normandie, mais toujours en vigueur, au terme de laquelle quiconque est resté plus de 10 ans et un jour sur un territoire 100 mètres peut s'adresser au duc de Normandie, qui est donc le roi ou la reine d'Angleterre, pour en revendiquer une certaine forme de souveraineté. Sophie Poiré, vous êtes maître de conférences en histoire du droit à l'université de Caen, spécialisée en droit normand. Vous enseignez l'histoire d'Alphonse Le Castellois en cours ? Ce qui est intéressant, c'est qu'Alphonse Le Castellois, c'est vraiment justement un exemple d'un habitant de Jersey qui va utiliser la coutume de Normandie pour revendiquer la possession d'une terre. Or ça, justement, c'est très normand, c'est très l'esprit normand. Il y a une tradition normande d'égalité et justement que quiconque habite sur un fief peut éventuellement revendiquer sa propriété. Alors il y a ça qui est intéressant, cette revendication de propriété. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Alphonse Castellois, pour revendiquer sa propriété, a utilisé une vieille procédure normande qui est encore en vigueur dans les îles anglo-normandes et qui s'appelle la clameur de Harrow. Et cette clameur de Harrow, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est lorsqu'il y a une atteinte à la propriété, lorsqu'on juge qu'il y a une atteinte à la propriété, on doit s'agenouiller avec deux témoins et pousser le Harrow, c'est-à-dire « Harrow, Harrow, mon prince, on me fait tort », puis réciter le « Notre Père » en français. Et tout doit s'arrêter, on doit aller très vite devant la cour, devant le bailli, devant le seigneur, ou un seigneur à l'époque, pour trancher sur le bien fondé de la clameur. Et cette clameur de Harrow, dans l'esprit des Normands, elle est importante parce que c'est une participation de la population à la justice. Ça permet d'aller très vite, c'est-à-dire d'éviter de faire venir un huissier, d'éviter les lenteurs de la justice. Et donc c'est un moyen qui, encore aujourd'hui, dans les îles anglo-normandes, est vraiment utilisé pour les habitants. Alors il y a aussi des clameurs abusifs, parce qu'il y a des fous de la clameur qui la clament à tout bout de champ. Donc là, ils ont des amendes. Mais voilà, c'est vraiment pour moi, enfin, en tant qu'historienne du droit et en tant que spécialiste de droit normand, c'est un exemple merveilleux. Et donc, parler d'Alphonse Le Castellois à travers la clameur de Harrow, je trouve ça extraordinaire. Revoilà Alphonse, le vieil ermite des Écréaux, exilé volontaire pour fuir les turpitudes de Jersey. Accusé de crime, puis blanchi mais déshonoré, Alphonse Le Castellois, pauvre bougre un peu illuminé, amusait la galerie. Mais l'ermite avait plus d'un tour dans son sac. Un jour, le reclus des tas de cailloux se proclama seigneur des Écréaux. Il écrit de sa main, quasiment sous la dictée des avocats, donc elle est cachetée. Moi, je ne l'ai jamais lue, jamais. Il fallait donc qu'elle soit postée. Et il me parle un jour, il me dit, voilà. Et puis il me dit, mais alors je vous passe les mots et l'accent. J'ai un courrier à poster, puis il tend le menton. Mais ces bandes de vaches-là, moi, je ne veux pas leur donner un courrier. Eh bien, je dis, Alphonse, donne-la-moi. Je vais la poster à la poste de Carteret. Je vais la poster en lettres commandées. Et je te donnerai le reçu qui prouve qu'Alphonse Le Castellois a envoyé la lettre à qui tu dois adresser cette lettre-là. Alors là, il prend un ton tout à fait admiratif et respectueux. Je veux que ce soit adressé à Sa Majesté. Et puis il baisse le ton comme ça. God save our gracious Queen, long live our noble Queen, God save her Queen. Et est-ce que la demande de seigneurie d'Alphonse Le Castellois à la reine d'Angleterre, après 10 ans de vie seule sur les Écréaux, était recevable d'un point de vue juridique ? Alors, cette demande, c'est intéressant parce que donc il l'a faite et la reine n'a pas répondu. Enfin, il n'y a pas eu de réponse de la reine, mais ça a été envoyé au Foreign Office. Donc, ce qui prouve que ça a été pris quand même très au sérieux. Et ce qui prouve aussi que la reine entend justement les pétitions des habitants. Et c'est vrai qu'il y a un droit de pétition des habitants de pouvoir s'adresser à la reine. Et donc, voilà, ça n'a pas été classé vertical. La reine a pris au sérieux cette déclaration, cette demande émanant d'un jersier. Alors ensuite, sur le bien fondé de la clameur. Effectivement, on peut clamer la propriété d'un bien si on l'a occupé seul, mais ici, je vois deux choses qui vont contre la demande d'Alphonse Le Castellois. D'abord, il n'était pas seul sur cette île, puisqu'il y a quand même des maisons Et il y avait des habitations et des gens qui sont propriétaires sur cette île, qui ont des maisons, alors qui n'habitent pas toute l'année, mais qui viennent régulièrement. D'ailleurs, Alphonse Castellois faisait souvent des petits travaux, puisqu'il était présent, on lui demandait de faire des travaux, de rentrer dans la maison. Donc il y a déjà ça, et à supposer qu'on admette qu'il ait quand même été seul une partie de l'année, ce qui est vrai, il était quand même très solitaire sur cette île, normalement, dans les textes coutumiers, c'est la prescription quarantenaire. Donc c'est-à-dire il faut occuper l'île 40 ans. Donc lui, 14 ans, je crois, il a vécu 14 ans sur l'île, donc non, il ne rentre pas dans les critères d'acquisition de la propriété, en tout cas. Est-ce que symboliquement, l'histoire d'Alphonse le Gastellois, elle n'a pas réveillé une vieille bataille anglo-normande ? Si, si, si, probablement. C'est pas la guerre de Cent Ans, mais c'est la guerre des cailloux. Et probablement, on va retrouver des relents de querelles avec l'ennemi héréditaire. Et au travers d'Alphonse le Gastellois, il y a quelqu'un qui, sinon pour le comte des Normands, c'est pas ça l'idée, mais qui vient à son tour revendiquer la souveraineté sur cet archipel qu'on nous a volé. Mais c'est à moi l'île réellement. Personne ne m'a dit qu'il fallait payer le loyer, ni rats, ni taxes, ni rien. Alors, il n'appartenait à personne. J'étais là 14 ans, alors c'est à moi. Alors l'Angleterre, avec les îles, a toujours la même politique, c'est-à-dire de défendre vraiment son territoire. Et les Anglais donc ont toujours considéré que les Minquiers et les Écréoux leur appartenaient, faisaient partie de ces îles qui avaient été octroyées au roi d'Angleterre en 1259 avec le traité de Paris qui soldait le contentieux justement entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre renonçait officiellement à la Normandie, mais en échange conservait la souveraineté des îles. Et puis, l'Angleterre a également avancé un vieux traité, le traité de Bretigny de 1360, qui là nomme explicitement les îles, dont les Écreux, dans la possession du roi d'Angleterre. Et c'est très intéressant parce que la Cour de justice internationale de La Haye en 1953 a donc utilisé ces vieux traités, traité de Paris 1259, traité de Bretigny 1360, a utilisé également les marques de possession. Et toujours, à travers les siècles, exercé par les Jerseyais dans l'île, pour considérer que les Écreux appartenaient à l'Angleterre via donc le bailliage de Jersey. En 1975, Alphonse le Gastellois est sur l'île depuis 14 ans. Sa revendication de souveraineté sur l'archipel des Écréaux en vertu des dispositions du grand coutumier de Normandie a été transmise à la reine d'Angleterre, qui a pris la chose au sérieux, qui l'a retransmet aux autorités de Jersey et qui sont bien embarrassées, puisqu'elle semble fondée en droit. Et donc les autorités de Jersey envoient aux Écréoux une équipe chargée de s'occuper de la dératisation, de tuer les lapins, etc. Et à ce moment-là, il y a un incendie qui a lieu aux Écréoux, archipel qui est totalement inhabité, où seul Alphonse le Gastellois habite. Et donc puisqu'il est tout seul habité et qu'un incendie se déclare, à nouveau, c'est forcément lui le suspect. Et donc quelques temps après, on va le chercher de force. Quasiment de force, avec un bateau militaire, et on le ramène à l'île de Jersey pour qu'il soit jugé pour cet incendie. Audience surréaliste, puisque le président du tribunal demande à Alphonse le Gastellois de se lever au moment où la cour pénètre dans les lieux, et Alphonse reste assis, refusant de se lever, en disant « Moi, je suis le roi des Écréaux, en aucun cas je ne suis obligé de me lever devant vous et je ne reconnais pas votre justice et votre autorité sur le roi des Écréaux que je suis. » Alors bien sûr, il y avait un jeu, Mais donc une audience surréaliste, au terme de laquelle Alphonse le Gastellois est à nouveau innocenté. Et il n'est pas reconnu coupable de l'incendie qui a eu lieu aux Écréaux. Mais, on l'accuse d'avoir porté atteinte à l'ordre public, notamment par son attitude. Et il est condamné à ne plus vivre aux Écréous. Et donc voilà que le potentiel roi des Écréous, par cet escamotage, est condamné à revenir à l'île de Jersey. Et bon, il est à l'époque très âgé, et il se promène de temps en temps dans les rues, et les concitoyens le saluent comme le roi des Écréous. Alphonse, qui était un journalier agricole, absolument pas cultivé au sens où on peut l'entendre, ça n'était absolument pas quelqu'un qui était amateur de livres, ça n'était pas quelqu'un qui avait été à l'école, etc. C'était un personnage un peu marginal qui d'ailleurs il a dû une part de ses malheurs. Et donc ce personnage extrêmement frustre, qui ensuite est venu vivre en solitaire sur les Écréous pendant 14 ans. Où il a découvert la lecture, mais en restant ce solitaire, ce taiseux installé sur son îlot. Quand il est rentré à Jersey, contraint et forcé naturellement, après son séjour en détention, après le fait qu'il ait été relâché, innocenté, etc., s'est parfaitement intégré dans la vie locale et de redevenu quelqu'un de social ou de sociable, installé dans son petit appartement mis à disposition par les États de Jersey et tout à fait ravi de jouir de la modeste notoriété qui était la sienne. Ce monsieur-là aura eu trois vies totalement différentes les unes des autres et pratiquement trois personnalités distinctes. Bonsoir. Désolé de rester couvert, mais il pleut ici aux Écréous. L'invité de notre émission Parlons Franchement, c'est celui qui vit ici depuis 6 ans, l'ermite des Écréous, Alphonse Le Gastellois. Alphonse, c'est la période où on pense aux personnes âgées, c'est Noël. Est-ce que ça a une signification pour vous ? Non, aucune. C'est juste un jour comme les autres ? Comme les autres. Comment allez-vous passer Noël ? Non, Alphonse ne mangeait pas de homard. Non, il n'avait pas froid, il ne s'ennuyait pas. Allez, au revoir Alphonse, et à l'année prochaine. Et il meurt sur l'île de Jersey à l'âge de 97 ans. Quand il est décédé, il y a une petite délégation de gens de Carteret, certains d'entre eux qui avaient l'habitude de lui amener du ravitaillement sur l'île des Écréous, qui s'est déplacé pour ses funérailles. Et donc j'ai rejoint cette équipe de fidèles d'Alphonse Le Gastellois pour ses funérailles sur l'île de Jersey. C'était L'ermite des Écréous, avec Philippe Renaud, auteur de l'ouvrage Le Royaume des Écréous, Bruno et Jean-Marc Hébert, Alain Blancheton et Sophie Poiré, maître de conférence en histoire du droit à l'Université de Caen. Merci à Nathalie Barraud, Alice et Lucien Jacquelin, Archivina, Anne Brulant et Sabine Bonamy. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Lénora Krief et François Test. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Dernière histoire particulière avant 2019. Celle-ci sera poétique, épique et romantique, mais c'est une autre histoire.